الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame le 29e cours, inshallah, aujourd'hui, du même livre. On est en train d'étudier les piliers de la foi, arkan ou l'iman. Comme vous savez tous, ou la plupart de vous savent que les piliers de la foi sont au nombre de 6. Et à travers les cours passés, on a pu en voir 5. Aujourd'hui, on est en train de terminer le 5e. Al-Iman bil yawm al-akhir. Et on a vu des détails de tous ces piliers al-arkan. En ce moment, on est en train de voir les détails de Al-Iman bil yawm al-akhir. Tafasil al-Iman bil yawm al-akhir. Wa ma yata'allaqu bima yakunu ba'd al-maut. On est en train de voir tout ce qui va avoir lieu après la mort, toutes les étapes jusqu'à la dernière. La dernière étape qui est akhir marhala ma hiya al-jannatu aw an-nar, le paradis et l'enfer ou l'enfer. Dans les cours passés, qu'est-ce qui me rappelle, on a parlé de quoi? On a parlé de al-hashr. On a parlé de l'mizan, on a parlé de as-sirat, on a parlé du rassemblement, comment il va avoir lieu. On en avait déjà parlé dans les cours d'avant. Mais j'avais juste rattrapé une chose sur le hadith de Abu Huraira. Yuhsharu an-nas 'ala thalathi tara'iq, raghibin rahibin. Le hadith. Les gens qui vont être poussés par le feu du Yémen jusqu'à Ard al-Sham, vers la Syrie, la Palestine, la Jordanie, ça sera que Ashab al-Shimal. Ça sera que Ashab al-Shimal. En fait, ce n'est pas tout le monde qui va être poussé par le feu. C'est que les gens de la gauche, Ashab al-Nar. Amma al-Muqarrabun wa Ashab al-Yamin yadhabun ila al-Sham bi-ikhtiyarihim biduni an tatrudahum al-Nar. Les gens de la droite et les rapprochés, les meilleurs, ils iront au Sham de leur propre gré. Ils n'iront pas parce qu'ils seront contraints. Donc ça, on en a déjà parlé, on a repris ça plusieurs fois. Ensuite, on a parlé de Al-Kutub Nashr al-Suhuf, et on a dit qu'il y a trois noms qui veulent tous dire la même chose: Al-Suhuf ou Al-Dawawin ou Al-Kutub. وهي الكتب التي سجلت فيها أعمال الإنسان. Les livres dans lesquels, ou les feuillets, ou les registres dans lesquels sont enregistrés les actes de tout le monde. Et on a vu que les gens, le jour du jugement dernier, vont le récupérer, ou ils vont reprendre leur livre. Certains vont le prendre dans la main droite, d'autres vont le prendre dans la main gauche. Et ça, on en a déjà parlé. Allah Azza wa Jalla a dit: wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ta'irahu fi 'unuqihi ay a'malahu fi 'unuqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a dit que dans le sens du verset, chaque personne a ses actes, et le jour du jugement dernier, il ne trouvera pas plus que ce qu'il a fait. Il ne trouvera pas les actes de quelqu'un d'autre. Ensuite, Allah va en faire sortir un livre qui sera ouvert et qui sera déployé. Et on lui dira à cet homme-là qui reprendra son livre: Iqra kitabak. Lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Car aujourd'hui, tu es ton propre comptable. Tu te suffis comme comptable à toi-même. Certains vont le prendre dans la main droite, d'autres vont le prendre dans la main gauche. Qu'est-ce qui me rappelle, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Il y avait une divergence, par rapport à... Moi je te pose une question, moi ce que je veux de toi c'est une réponse, c'est pas une question. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Quand quelqu'un il veut répondre, il répond pas par une question. Il dit pas, on a dit que, après il me dit, c'est ça? Ça c'est pas une réponse. Si tu dis ça, c'est que t'as pas la réponse. Si tu as pas la réponse, tu réponds pas. Celui qui répond, il donne une réponse, il ne répond pas par une question. Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Vous étiez où la semaine dernière et la semaine d'avant? Allez, il y a une divergence avec le ulama, il y en a qui disaient que soit il reçoit sur la main gauche, il y en a qui disaient aussi qu'il recevait sur le dos, derrière le dos. Il y avait le ulama qui disait que c'était une troisième façon de le recevoir, ou sinon il disait en fait que c'était la main qui était derrière le dos et qui recevait aussi sur la main gauche. Ça c'est une partie. C'est une partie de la réponse, mais c'est pas suffisant parce que celui qui va t'écouter comme ça, il sait pas de quoi tu parles. Parce que là, tu as dit directement. Il y en a qui ont dit qu'il va le prendre dans la main gauche, d'autres derrière le dos. Qui va le prendre dans la main gauche? Qui va le prendre derrière le dos? Abdelkarim. Ceux qui vont recevoir de la main droite, les moumini, ils auront un jugement facile. Attendez. Et ceux qui l'auront. On ne parle pas du jugement, là on parle que du kitab, mais oui. Alakoul Yakal. Sabel Yamin, ceux qui l'auront avec les moumini. Sabel Yassar, c'est Kefiroun. Attendez. Il y a les gens de la droite qui sont les croyants. Ceux-là, ils reprendront leur livre dans la main droite. Ceux qui reprendront leur livre dans la main droite, mu'minun, bila shak. Fa intahina min hada. Lakin al-amr thani, man alladhi ya'khudhu kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahri, wa hal fi hada min tafsil. اللي غادي ياخذ الكتاب بالشمال يقدر يكون يعني منافقون ولا عصاة يعني مؤمنين هم مسلمين وكانوا عصاة طيب بالشمال من الذي يأخذ الكتاب من وراء الظهر أساس المنافقون وراء الظهر كافرون كافرون طيب الكافرون كافرون والمنافقون بالشمال بالشمال هذا قول القول الثاني donc le frère il a répondu à une première il a donné une première réponse par rapport à est-ce que les certaines personnes celles qui vont prendre leur livre dans la main gauche qui sont ces personnes là alors les savants ils ont divergé sur ça. Les savants, ils ont divergé sur ça. Certains ont dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui vont le prendre dans la main gauche et ceux qui vont le prendre derrière le dos. Parce que quand ils vont le prendre dans la main gauche, leur main gauche, elle sera derrière le dos. Vous voyez ? Donc ça veut dire que, avec cet avis-là, on sait clairement que les gens qui entreront au paradis, ils prennent leur livre dans la main droite. Ceux qui entreront en enfer, ils prennent leur livre dans la main gauche et la main, elle sera derrière le dos. Il y a une autre parole chez les savants qui disent non. Certains vont le prendre dans la main droite, d'autres dans la main gauche et d'autres derrière le dos. Ceux qui sont derrière le dos, ils sont différents de ceux qui le prennent dans la main gauche. Ceux qui le prennent dans la main droite, ce sont les croyants qui vont entrer au paradis, ça c'est une chose claire, les pieux. Ceux qui vont entrer ou qui vont prendre leur livre dans la main gauche, pour certains parmi les savants, ce sont al-munafiqun, les hypocrites. Et ceux qui vont prendre leur livre derrière le dos, al-kuffar, les mécréants. Hal farq bayna al-munafiqin wal-kuffar fi kufrihim yani fi kawnihim min ahli an-nar aw fi kawnihim min al-kuffar la farq baynahum. إنما الفرق في نوع الكفر هؤلاء هم وقعوا في كفر بسبب النفاق وهؤلاء في كفر بسبب آخر. Donc certains ont dit que les hypocrites vont prendre dans la main gauche et les mécréants dans la main droite. Et les hypocrites sont des mécréants. Mais quand on dit les hypocrites al-munafiqun, ensuite on dit ahlul kitab, les gens du livre ou bien al-yahoud ou bien Nasara, les juifs, les chrétiens, et ensuite on dit les mécréants, ne pensez pas qu'il y a une différence entre ces gens-là dans le fait qu'ils sont mécréants. La différence qu'il y a entre ces gens-là, c'est la manière de mécréance. Eux, ils ont mécru par l'hypocrisie, eux par le judaïsme, ceux-là par le christianisme, mais ils se rejoignent tous dans la mécréance. Allah Azza wa Jalla a dit Inna alladhina fi surat al-bayyina. Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal-mushrikin fi nari jahannam. Ceux qui ont mécru parmi les gens qui ont reçu le livre et les associateurs, ils sont tous des gens qui ont mécru, sauf qu'eux ils ont mécru d'une manière et les autres d'une autre. Ala kulli hal, ceux qui prendront leur livre dans la main gauche sont le munafiqoun, et ceux qui le prendront derrière le dos sont al-kuffar, ceux qui ont mécru mais avec autre que l'hypocrisie. Ensuite, ça c'est un avis. Et il y a un autre avis qui dit ceux qui prendront dans la main droite sont al-mu'minun as-salihun, les croyants pieux. Ceux qui prendront leur livre dans la main gauche sont al-mu'minun lakinnahum waqa'u fi adh-dhunub wa hum min fusaq al-muslimin aw min 'usat al-muslimin. Certains disent que ceux qui le prendront dans la main gauche sont les pécheurs parmi les musulmans. Les pécheurs parmi les musulmans. Et ceux qui le prendront dans la main droite sont tous les kuffars. Et parmi eux, les comment dans le dos. Ceux qui le prendront derrière le dos sont tous les kuffars. Et parmi eux, les munafiqoun, les yahoud, les nasara, etc. Ala kulli hal, c'est pour savoir qu'il y a une différence, une divergence chez les savants. Et certains, ils disent que, en fait, les croyants, ils prendront tous leurs livres dans la main droite, même usat al-muslimin, même les pécheurs parmi les musulmans. Pourquoi? Indahum aslul iman, parce qu'ils ont la base de la foi. Ceux qui prendront leurs livres de la main gauche sont al-kuffar, et tous ceux qui vont avec et le prendront derrière le dos. Wallahu a'lam. Donc si vous entendez une fois cette parole et une autre fois cette parole, vous savez maintenant que par la raison pour laquelle vous allez entendre plusieurs paroles, c'est que les savants ils ont divergé sur ça. Ensuite, on a vu al-mizan, la balance qui sera établie yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qui peut me décrire cette balance? Man yasifu li hadha al-mizan kayfa yakun? Comment elle sera cette balance? Qu'est-ce qu'on sait sur cette balance? Elle a deux plateaux. Elle a deux plateaux. Ensuite, et quoi? Barakallahu fik. Il y aura des hasanat, des bonnes actions, et des sayyat et des péchés. Et toi, inshallah, tu n'auras que des hasanat dans cette balance, si tu continues à venir comme ça à la mosquée. Taïr? Que les actes, ils vont être pesés avec la, c'est que la personne. Hmm? La personne est. Qu'est-ce qui va être pesé sur la balance? La sana. Les actions, a'mal et l'ibad. Le cœur. Non. Jean. Les livres, le livre sera pesé, le registre. Suhuf al-a'mal. Les actions et les gens. Wa an-nas al-amilun. Il y a trois choses qui seront pesées dans la balance: les actions, les livres où les actions sont écrites, et les gens qui ont fait ces actions. Mal adilla ala hada. Quelles sont les preuves de ça? Quelles sont les preuves que les actions seront, non, quelles sont les preuves que les livres seront pesés dans la balance? Les livres de bonnes actions dans un plateau, les livres de péché dans un plateau. هذا هو حديث الحديث الذي يسميه العلماء حديث البطاقة. Le hadith qui est appelé par les gens de science le hadith de la carte. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'un homme viendra le jour du jugement dernier avec 99 feuillets. Dans tous les feuillets, il y a toutes ces actions qui sont enregistrées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que un seul feuillet, dans sa taille, il est égal à ce qu'on appelle maddul basar, c'est-à-dire la portée de la vue, tout ce que tu peux voir avec ton œil. Donc tu peux t'imaginer la taille d'un seul feuillet. Il y en aura 99. Et sur ces 99 feuillets, tous ses péchés sont enregistrés. Et il va penser qu'Allah va le détruire. Alors Allah Azza wa Jal va, à la fin du hadith, Allah va lui dire, tu as une hasanat et aujourd'hui tu ne seras pas lésé. On ne te fera pas d'injustice. Ensuite, une carte sera sortie dans laquelle il est écrit Ashhadu an la ilaha illallah. Et Allah Azza wa Jal va dire, Uhdur waznak. Amène ces feuillets pour les peser. Et on va les peser. Et la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que فَتُوضَعُ السِّجِّلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَتُوضَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِّلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ. Il dit, les 99 feuillets seront posés sur un plateau et la carte sera posée sur un plateau, c'est-à-dire la parole La ilaha illallah qu'il a dite dans sa vie. لكن بشرط أن يكون قد فهمها وعمل بما دلت عليه. Et avec la condition qui a compris cette parole et a mis en pratique ce qu'elle implique. Car ce n'est pas tous ceux qui disent La ilaha illallah qui auront ce résultat. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله. لكن هل عندهم هذه البطاقة يوم القيامة؟ Les hypocrites disent La ilaha illallah. Mais auront-ils cette carte le jour du jugement dernier? Ils ne l'auront pas. Donc qui est-ce qui aura cette carte-là? Celui qui a dit La ilaha illallah et qui a compris cette parole et qui a mis en pratique ce qu'elle implique. Donc, après que ces feuillets et cette parole vont être pesés, les feuillets ils vont s'envoler et la parole elle va prendre tout le poids. Et qu'est-ce qui va se passer? Allah a dit, rien n'est plus lourd que le nom d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cet homme-là, il va entrer au paradis. Allah Azza wa Jalla, il va le faire entrer au paradis. On comprend de ce hadith que la balance, elle a deux plateaux. On comprend qu'elle a deux plateaux, premièrement. Et on comprend que sur ces plateaux-là, les feuillets vont être pesés. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Les gens qui ont fait ces actes. Quelles sont les preuves? Vas-y. Il sera pesé. Il fera le poids que de l'aile d'une mouche. Il ne fera même pas le poids de l'aile d'une mouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يُؤْتَ بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. يعني يوم القيامة في الميزان وها عظيم في بدنه سمين ما عنده وزن عند الله في الميزان يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fera venir un homme imposant et corpulent avec un gros corps le jour du jugement dernier, il ne pèsera même pas l'aile d'un moustique chez Allah, donc il sera pesé. Et aussi un autre hadith. Okay. L'autre hadith. C'est pas grave. Asana. Il y avait le prophète. Attendez, il va réfléchir, il va trouver. C'est pas le prophète, allez, ça sert. Qu'est-ce qui s'en rappelle? Il y a un sahabi qui, j'ai oublié son nom. Abdullah ibn Mas'ud. Il est monté dans un arbre, je crois. Les autres sahabas, ils ont vu ses jambes, elles étaient fines, ils ont commencé à rigoler sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit apaisons-nous dans la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les compagnons rire des jambes de Abdullah ibn Mas'ud quand il était sur un arbre. Il leur a demandé pourquoi vous rigolez. Ils ont répondu les dirqati saqay, à cause de la minceur de ses jambes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ses jambes seront plus lourdes que la montagne d'Uhud yawm al-qiyam, dans la balance. Donc il va être pesé. Donc les gens ils vont être pesés. La troisième chose, al-a'mal. Ma dalil ala anna al-a'mal tuzan. Quelle est la preuve que les actes seront pesés maintenant? Et ça je ne l'ai pas dit la semaine dernière. Et la plupart de vous, vous avez entendu ce hadith là, et la plupart de vous, vous le connaissez. Je crois qu'il y a qu'un ayah. Man taqulat mawazinhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah. La faqulat bimadha? Faqulat bil 'amal, faqulat bil kutub, faqulat la yubayyin Allah 'azza wa jalla fi al-ayah. Ah. Ali Mohamed Ali. La Personne? C'est le hadith quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'Abu Bakr. Non. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Je vous ai aidé là. S'il est ou quand chaque atome de bien est mis. Non, non. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Là, là, c'est pas ça. Tu veux répondre? Non. Non. Qu'est-ce qu'il veut répondre? C'était pas ça que je voulais. La parole est là, il est toujours. En fait, moi je voulais le hadith kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallah al azim thaqilatan fil mizan fasallallah akhir hadith al bukhari akhir hadith le dernier hadith qu'a rapporté l'imam al bukhari il a dit deux mots sont légers sur la langue imi d'allah et lourds dans la balance idhan tuzanu yuzanu at-tasbih wa at-tahlil wa hadhihi min al-a'mal. Ensuite, on a vu, mais ce que le frère Issam il a dit, ça peut rentrer dedans. Ensuite, on a parlé de as-sirat. Qu'est-ce que c'est as-sirat? Hein? Le pont au-dessus de l'enfer. Il est comment ce pont? Mais ça, il est comment le pont? Aussi fin qu'un cheveu. Plus fin qu'un cheveu. Il est plus tranchant qu'une épée. Et il est glissant. Et il a des crochets et des pinces à droite et à gauche. Qu'est-ce qui va passer sur ce pont? Les croyants. Mais non. Ça y est. Là. الله أعلم الله أعلم والذي الذي سمعته أن المنافقين لا يعبرون يوم القيامة يأتون كما قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم le jour où les croyants où tu verras les croyants, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, ils auront une lumière devant eux et derrière eux. Et dans le tafsir du verset, c'est le jour où les gens, les croyants, ils vont arriver yawm al-qiyama, ils auront besoin d'une lumière pour trouver le chemin pour aller jusqu'au sirat. Et les kuffar, les munafiqoun, ils vont arriver avec eux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur éteindre la lumière. Et quand ils vont voir les croyants avancer, ils vont leur dire انظرونَ أي انتظرونَ نقتبس من نوركم pour qu'on prenne de votre lumière قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا on leur répondra retournez derrière pour chercher de la lumière فضرب بينهم بسور له باب et on mettra حاجز un obstacle entre eux باطنه فيه الرحمة le côté où il y a les croyants il y a la miséricorde وظاهره من قبله العذاب et de l'autre côté il y aura le châtiment. Ensuite, à la fin de l'histoire, à la fin des versets, les croyants, les kuffars, les munafiqoun, ils vont demander aux mu'minoun de venir, parce qu'on était avec vous, on faisait la prière avec vous, et eux, ils vont leur répondre qu'ils ont désobéi à Allah, etc. Et ils ne pourront plus avancer derrière cette barrière. Et le shirk, quand il a ramené les adillah à la sirat, les preuves sur le sirat, il a ramené ce verset-là. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Il a ramené ce verset-là pour dire que ils vont aller au sirat avec cette lumière. Amal munafiqun, ils n'auront plus la lumière, ils ne vont pas y aller. Walakin ikhtalaf al-ulama fi alladhina ya'buruna 'ala as-sirat. Wa nataytu bil-qawl 'ala anna al-mu'minin yamuruna 'ala as-sirat li'anna an-nabiy 'alayhi as-salam qala fayamuru 'alayhi al-mu'minun. Sahih Muslim. Allahu a'lam. Ensuite, on a parlé de al-qisas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, inshallah. La semaine dernière, on a fait la question 125. Al-su'al al-khamis wal-ishroun ba'd al-mi'a. Ma dalil al-qisas min al-kitab. Quelle est la preuve du talion dans le livre? De quoi on parle quand on parle du talion? On parle de ce qui va se passer yawm al-qiyamah. Raddul huquq ila ahliha. Rendre les droits à leurs ayants droit. Tous les gens qui ont été victimes d'injustice reprendront leurs droits et Allah subhanahu wa ta'ala leur rendra tout ce qui leur a été pris et toutes les injustices qu'on leur a faites, ils le reprendront. Allah ne les laissera pas et Allah subhanahu wa ta'ala ne les laissera pas sans reprendre ce qui leur est dû. Et il y a un autre qisas dans le Coran. Le qisas dans le Coran, il y a deux choses. Il y a celui de dunya et celui de l'akhira. Et celui de dunya, c'est la loi du talion. On a fait shari'at l'islam, la loi de l'islam, une main, celui qui fait une chose, on lui fait la même chose, etc. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de ça. Le sheikh ici, il n'a pas dit ma dalilu al-qisas yawm al-qiyamah min al-kitab. لأنه الآن يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. فهو واضح أنه يقصد قصاص يوم القيامة. Et le Cheikh n'a pas dit quelle est la preuve du talion du jour du jugement dernier. Il n'a pas eu besoin de dire ça parce que là il est en train de nous parler du jour du jugement dernier, donc c'est évident qu'il nous parle du talion du jour du jugement dernier. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il a un bab al-qisas yawm al-qiyam. Il a mis chapitre le talion du jour du jugement dernier. Pourquoi il a fait ça dans son chapitre? Parce que comme il y a deux talions, pas que les gens se trompent, il a dit le talion du jour du jugement dernier. Et lui ici il n'a pas eu besoin de le dire parce qu'il parle de la foi au jour dernier. Donc la réponse c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. S'il a une bonne action, il la double et il donne une énorme récompense. Donc, où est la preuve dans ce verset qu'il y aura le qisas yawm al-qiyam? On a répondu la semaine dernière. Ibrahim, tu nous répètes? Dans la mesure où Allah laisse toute une injustice sans qu'elle soit arrivée, il y aura un talion. Ou plutôt dire ben, Allah ne fera pas d'injustice. Donc si il a qu'un Allah la yadhlimu an-nas yawm al-qiyamah mithqala dharra fala yumkin an yatruka al-masruq wa la yumkin an yatruka al-mazlum bidun an yarudda ilayhi haqqah. Si Allah azza wa jalla dit qu'il ne fera d'injustice à personne, donc il ne va pas laisser les gens victimes d'injustice sans leur rendre leurs droits. Sinon ça serait une injustice. Et comme Allah a dit qu'il ne fera d'injustice à personne, ça veut dire que tout le monde le jour du jugement dernier va récupérer son droit. Et ensuite, il a ramené d'autres versets, mais on en a déjà parlé. Et maintenant, la question d'aujourd'hui, as-sadis wal-ishurun ba'd al-mi'a, question 126, ma dalil al-qisasi wa sifatuhu min as-sunnah. Quelle est la preuve du talion du jour du jugement dernier, qui est le fait de rendre les droits aux ayants droit, et sa description dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, le jawab, فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la première chose qui sera tranchée entre les gens, ce sont les affaires ayant trait au sang, les affaires du sang, le sang qui a été coulé, que ce soit de les meurtres ou autre chose, ce qui a fait couler le sang. Et ça, c'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, c'est la première chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre les droits des gens. Entre les droits des gens. Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala va regarder les droits de chacun dans les affaires qui sont relative au sang qui a coulé. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله العافية. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque commet une injustice envers son frère, qu'il s'en libère auprès de lui aujourd'hui, qu'il répare sa faute avec le frère avec qui il était injuste. Car là-bas, il y a eu le jour du jugement dernier, il n'y aura ni dirham ni dinar avant qu'on ne prenne de ses bonnes œuvres pour les donner à son frère. Et s'il n'a pas plus de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son frère pour les jeter sur lui. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, il va rendre à tout le monde son injustice. Tous les gens qui ont été victimes d'injustice, Allah il va leur rendre leurs droits. Donc celui qui a fait du tort à quelqu'un, s'il ne lui a pas rendu son tort et s'il ne s'est pas corrigé avec lui, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre des hasanats de cette personne-là et les donner à la victime. S'il n'a plus de hasanat, il va prendre les péchés de la victime et les mettre dans le dos de l'injuste. نسأل الله العافية كالله نبخزه. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيسحبوا فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Cet autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants seront libérés de l'enfer, puis ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer, afin que s'exerce entre eux la loi du talion, c'est-à-dire afin que chacun récupère son haq, récupère son droit. Quant aux injustices qui ont eu lieu entre eux dans le bas monde, lorsqu'ils seront débarrassés et purifiés, on leur autorisera l'entrée au paradis. Ça montre que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre le droit à chacun qui a été parmi les gens qui ont été victimes. Va rendre le droit à chacun qui ont été victimes. D'où l'importance de faire attention, de prendre garde à ces choses-là et de demander beaucoup le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla yaghfiru dhunuba jami'a liman tab. Et Allah pardonne les péchés de tout le monde s'il se repent, regrette et demande pardon et rend le droit à sa victime. Taïb. Maintenant on vient de voir que al-qisas alladhi yakunu yawm al-qiyamah ala naw'ayn ou ala qismayn. Qism yakunu qabla al-fasli bayna an-nas. On vient de voir maintenant que le talion qui aura lieu le jour de la résurrection se divise en deux. Le général, l'âme, qui aura lieu entre tout le monde, et celui-là, il arrivera avant le jugement, avant que les gens soient jugés. Le deuxième, c'est celui qui arrivera après que les gens soient jugés. Et celui-là, il est particulier. Et la différence entre les deux, il y a, on va citer six différences. نذكر ستة فروق بينهما. Six différences. La première: الأول قد يعقبه دخول النار. La première, c'est-à-dire le premier talion qui aura lieu le jour du jugement dernier, il peut être suivi par l'entrée en enfer. Mais le deuxième, la لأن الثاني القصاص الثاني هو القصاص بين المؤمنين الذين يدخلون الجنة. فَلَا يَعْقُبُهُ دُخُلُ النَّارِ. Il n'arrivera pas après ce qu'on appelle l'entrée en enfer, après le deuxième. Après le premier, des gens pourront entrer en enfer, mais après le deuxième, non. Parce que le deuxième, il sera que pour les croyants juste avant qu'ils entrent au paradis. La deuxième différence, الْأَوَّلْ قَبْلَ الصِّرَاطِ وَالثَّانِي بَعْدَ. Le premier aura lieu avant le pont, avant de marcher sur le pont. Et le deuxième aura lieu derrière le pont ou de l'autre côté du pont. Le troisième, et d'abord quand on parle du premier, on parle de celui qui aura lieu avec tout le monde, même avec les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la tu'adduna al-huquqa ila ahliha حتى لا يقاد من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Il a dit, vous allez rendre les droits à leurs ayants droit, même la brebis ou le mouton qui n'avait pas de cornes va reprendre son droit à la brebis qui avait des cornes. C'est-à-dire la brebis qui avait des cornes et qui lui a mis un coup de corne, elle ne pouvait pas se défendre. Certains savants ont dit, يوم القيامة, Allah Azza wa Jalla yaj'al laha qarnan. Il va lui donner une corne pour lui rendre ce coup-là. Donc ça, c'est Al-Qisas Al-Am. La troisième différence, Al-Awwalu lil-Khalqi jami'an wa thani lil-Mu'minin khassa. Donc le premier sera entre tout le monde, comme on vient de le dire, et le deuxième, que pour les croyants. Que pour les croyants avant qu'ils entrent au paradis. Al-Awwal, Ada'u huquq wa istikhlasuha. الثاني تهذيب وتنقية. Le premier, il servira à voir les droits de tout le monde et ressortir les droits de tout le monde. Et le deuxième, celui qui aura lieu que entre les croyants, il servira justement à purifier. Après qu'on ait vu les droits de chacun, on va les rendre et on va les purifier pour chacun. الخامس الأول في أرض الحساب في أرض الشام الثاني في دار الجزاء. La cinquième différence, c'est que le premier talion aura lieu dans la terre du rassemblement qui est au Sham, et le deuxième aura lieu après Sirat, c'est-à-dire dans l'endroit où les gens recevront leur rétribution. Et celle-là sera le paradis. السادس الفرق السادس الأول يكون فيه من لا حسنة له الثاني لا يكون فيه إلا من كان له حسنة. La sixième différence, c'est que le premier talion, il se peut que des gens soient dans le premier et qu'il n'ait pas de hasanat, les kuffars, etc. Mais le deuxième, il n'aura lieu que pour les gens qui ont des hasanat, parce qu'il sera que pour les croyants. Donc il y a six différences entre le talion, les deux talions le jour du jugement dernier. Maintenant, on va passer dans Al-Hawd, le bassin du prophète Yawm al-Qiyamah, sallallahu alayhi wa sallam. As-su'al as-sabi'u al-ishurun ba'd al-mi'a, ma dalil al-Hawd min al-kitab. Quelle est donc la question 127? Quelle est la preuve du bassin? Quelle est la preuve qu'il y aura un bassin? Le jour du jugement dernier, dans le Coran. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le Hawd? De quoi on parle quand on veut dire le Hawd, le bassin? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Vas-y. C'est le bassin que les croyants pour faire la semaine, ils vont lancer la rivière. Après, ils n'auront plus jamais soif. Exactement. Il sera aussi blanc que le lait, aussi sucré que le lait. Plus blanc que le lait et plus sucré que le lait. C'est un bassin dans lequel tous les croyants. Et en fait, pas tous, on va le voir, les croyants pieux, ils vont venir pour boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après une gorgée, ils n'auront plus jamais soif. La preuve que ce bassin existe, al-jawab, qala Allahu azza wa jal, il nabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit à son prophète, alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar. Qu'est-ce que c'est al-kawthar? Hein? Ouais. Là, c'est vrai. Mais ça. Nahar. Nahar. Arif innaka taqsil an-nahar. C'est un fleuve au paradis. Khassun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est réservé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Maintenant on parle du bassin, on parle pas du kawthar. C'est quoi le lien entre ce verset et la preuve que al-hawd il existe, le bassin? Le hawd مستمد من الكوثر ينزل من الكوثر ila al-hawd. C'est que le bassin, l'eau qui se trouve dans ce bassin vient du Kawthar qui se trouve au paradis. Donc le fait que le Kawthar existe et que le prophète alayhi salam nous a expliqué que du Kawthar l'eau elle vient, elle va dans le hawd. Donc c'est une preuve par rapport à ça. السؤال الثامن والعشرون بعد المئة question 128 ما دليله وصفته من السنة quelle est sa preuve du bassin et sa description dans la sunna الجواب فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر تكاثرت منها il y a beaucoup de hadiths très nombreux parmi ceux-ci قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ما معنى فرطكم على الحوض أي سابقكم أتقدم بين أيديكم أولكم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je suis votre devancier dans le bassin ce qui va arriver au bassin avant vous وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم فإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis votre devancier au bassin et je suis votre témoin par Allah je vous regarde mon bassin en ce moment même. Ayyan Allah azza wa jalla kashafahu lahu alayhi wa sallam. Allah lui a montré pendant qu'il parlait à ses sahaba, Allah lui a montré. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hawdi مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أوانيه عدد نجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا Et tous ces hadiths-là sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et dans celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin est de la longueur d'un mois de marche. » D'un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait, son odeur est meilleure que le musc, et les tasses avec lesquelles les gens vont boire sont-elles les étoiles du ciel? Alaykum salam. Elles sont semblables aux étoiles du ciel dans deux choses. Fi adadiha wa fi jamaliha. Al-kizan wa hiya al-awani allati yashrabuna biha min al-hawd. عددها كعدد النجوم وجمالها كجمال النجوم les gobelets ou les tasses avec lesquelles les gens vont boire de ce bassin sont égales dans le nombre et dans la beauté aux étoiles qui sont dans le ciel il nous dit celui qui va en boire n'aura plus jamais soif وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه أي جانبه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير Et le dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je suis parvenu à une rivière dont les deux rives, c'est-à-dire les deux côtés, sont comme des dômes de perles creuses. Les perles blanches, et on appelle ça les perles creuses parce qu'à l'intérieur elles sont vides. اللؤلؤ المجوف et après avoir vu ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril il lui a dit qu'est-ce que c'est au Jibril il répondit c'est Al-Kawthar donc on vient de voir Al-Adilla ala Al-Hawb yawm al-Qiyamah l'épreuve du Hawb yawm al-Qiyamah la question 129 maintenant on passe à une autre chose السؤال التاسع والعشرون بعد المئة 129 ما دليل الإيمان بالجنة والنار quelle est la preuve quant à la foi au paradis et à l'enfer قال الله عز وجل dans la réponse et avant d'entrer dans la réponse ici il n'a pas expliqué ما لم يبين ما هي الجنة وما هي النار لأنهما واضحتان عند جميع المسلمين Il n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est le paradis, qu'est-ce que c'est l'enfer, parce qu'elles sont deux choses claires chez l'ensemble des savants. Tout le monde sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Al-Jawab, la réponse, قال الله تعالى, Allah a dit, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alors prémunissez-vous contre l'enfer qui a pour combustible les hommes et les pierres. Cet enfer a été préparé aux mécréants. Et ensuite Allah a dit: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الآية وَغَيْرُهَا مِمَّا مَا لَا يُحْصَى. Et dans l'autre verset, Allah dit et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc ici, on nous parle de l'enfer, et ensuite on nous parle du paradis. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. Ce hadith là il est rapporté par aussi le Bukhari ou Muslim. Ou le Bukhari, il est dans la prière de nuit, le prophète صلى الله عليه وسلم disait ou avait pour habitude de dire et à toi la louange, tu es la vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ta parole est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité, les prophètes sont vérité, Mohammed est vérité et l'heure est une vérité. Donc on voit ici que le prophète alayhi salam nous parle du Jannah et de l'Nar. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرج البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Le dernier hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui atteste qu'aucune divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, celui donc qui atteste de tout ça et qui atteste que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a insufflée à Maryam, un esprit venant de lui, qui atteste que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fait entrer au paradis avec ses actes. ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ De quoi le prophète عليه الصلاة والسلام nous parle quand il nous dit Allah le fait entrer au paradis avec les actes qu'il a. من يجيب؟ Qui est-ce qui répond؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ظاهر الحديث ما هو؟ عيسان. Avec les actions qu'il a, même s'il a des péchés, tant que ça ne va pas dans le shirk, dans le sens qu'il rentre dans le hadith, peu importe en fait les péchés qu'il a, il rentre dans le. Et ça c'est le qawl al-awwal, l'inna al-ulama lahum qawlan fi hadha. Ça c'est la première parole parmi les deux paroles des savants dans cette phrase-là. C'est-à-dire, il rentrera au paradis quoi qu'il a fait comme péché. À partir du moment où il a fait toutes les choses citées dans le paradis, il rentre dans le hadith, il entrera au paradis quoi qu'il fasse comme action. Mais bien sûr, il se peut qu'il entre d'abord en enfer avant d'entrer au paradis. La deuxième parole, أي تكون منزلته في الجنة بحسب أعماله. أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة وجعله فيها في منزلة مناسبة لأعماله. Et donc la deuxième parole c'est que Allah le fera entrer au paradis dans une place qui correspond aux actes qu'il a fait comme bonnes actions. طيب. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. Parmi, dans l'autre version du hadith, parmi il choisira une porte qu'il veut parmi les huit portes du paradis. طيب. السؤال الثلاثون بعد المئة. Question 130. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ Qu'est-ce que veut dire la foi au paradis et à l'enfer. Al-Jawab, la réponse, معناه التصديق الجازم بوجودهما يعني الآن وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعم وتلك من العذاب. La question 130 c'est quelle est la définition de la foi, qu'est-ce que veut dire? C'est pas 129. Non, en fait, en français, je viens de voir dans le livre en français, il a mis la question 129 et dans le livre en arabe c'est 130. Je sais pas pourquoi. Donc quand je dis 130, celui qui est en français c'est un chiffre en moins. Ala kulli hal, que signifie la foi au paradis et à l'enfer? La réponse, le fait d'avoir la pleine conviction que le paradis et l'enfer sont créés et existent à cet instant même où on parle. Ils sont déjà créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils sont éternels, ils vont subsister, ils ne vont jamais disparaître. C'est Allah qui va les faire rester. Et entre dans la foi au paradis et à l'enfer, tout ce qu'il y aura au paradis et tout ce qu'il y aura en enfer. Tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, parmi les choses qu'il y aura en enfer ou les choses qu'il y aura au paradis, on doit y croire et ça fait partie de la foi au Jannah et Nar, l'enfer au paradis. Donc on doit croire que l'enfer et le paradis existent et qu'ils sont éternels. السؤال الحادي والثلاثون بعد المئة 131 ما الدليل على وجودهما الآن؟ Quelle est la preuve que l'enfer, le paradis existent à cet instant même? Qu'est-ce qu'il y a une preuve de l'existence du paradis et de l'enfer maintenant? S'il se souvient. دليل على أن الجنة موجودة أو النار موجودة. Je ne connais pas le hadith par cœur. Aya. J'en suis sûr que tu connais. Mais peut-être. Oui. Il y a un hadith où Saint-Sain dit que l'enfer est dans. En hiver, il y a le souffle de l'enfer, et en été, c'est aussi le souffle de l'enfer. Non. Ça va arriver, il est là dans la réponse du hadith. Barakallah. Hein? Wa'iddat al-kafirin, wa'iddat al-muttaqin. Il a été préparé. Donc si elle a été préparée, elle existe. Al-Jawab, أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين. Allah nous a informé qu'elles existent, qu'ils existent et qu'ils ont été préparés. Allah a dit au sujet du paradis, le paradis qui a été préparé pour les pieux. Donc s'il a été préparé, c'est qu'il existe. Et il a dit au sujet de l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Donc l'enfer existe. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. Et Allah nous a également informé qu'il avait fait habiter Adam et son épouse Hawa dans le paradis avant qu'ils mangent de l'arbre qu'Allah leur avait interdit. Donc le paradis il existait. Et ça montre que le shirk y voit la vie, que le paradis dans lequel il y avait Adam et Hawa, c'est le même paradis dans lequel les gens vont être récompensés. Parce que c'est une divergence chez les savants. Ala kulli hal, la suite. Wa akhbarana ta'ala bi anna al-kuffar yu'raduna 'ala an-nari ghuduwan wa 'ashiya. Et Allah nous a informé aussi que les mécréants seront exposés au feu le matin et le soir. Wa hadha fil qabr. هذا في عذاب القبر لكن هذه النار تأتي من جهنم فيتعذبون بها في قبورهم. Et Allah nous a informé donc qu'ils seront châtiés par le feu dans leur tombe, d'accord, mais ce feu il vient de l'enfer. Ce feu qui les pune, qui les châtiera dans la tombe, c'est un feu qui vient de l'enfer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفت عليه الصلاة والسلام عجي اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Il dit, j'ai regardé dans le paradis et j'ai vu que la majeure partie de ses habitants représente les pauvres. Puis j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu que la majeure partie de ses habitants représente les femmes. Donc il a vu le paradis et il a vu l'enfer. لماذا الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء؟ pourquoi les pauvres entreront au paradis avant les riches? Parce que les riches vont se faire chaque centime qu'ils ont dépensé. Exactement. Parce que les riches, ils vont se faire juger sur tout leur argent. Donc ça va leur prendre plus de temps. Il se peut que le riche, il entre après le pauvre, mais il entre plus haut que le pauvre. Si il a kan raniyan shakiran yunfiqu fi sabilillah yadkhulu ba'd al-faqir idha kan al-faqir lahu hasanat aqall minhu walakin huwa yakun fawqahu fi daraja bihasab al-a'mal. Donc il se peut que le riche entre après le pauvre, et le fait qu'il entre après le pauvre ne veut pas dire qu'il va être en dessous de lui. Il se peut qu'il soit au-dessus de lui s'il a fait plus d'actions que le pauvre. Mais il va prendre plus de temps à rentrer au paradis parce qu'il devra rendre des comptes sur tout son argent. وَتَقَدَّمَ فِي فِتْنَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُ الْحَدِيثِ. Et également, on a vu dans les chapitres précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous meurt, on lui montre sa place, c'est-à-dire la place dans laquelle il va, dans la place dans laquelle il va aller, que ce soit le paradis ou l'enfer. وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, faites la salat, c'est-à-dire quand il fait chaud, quand il fait très chaud, on a la permission de reculer un peu la salat al-dhuhr, de la faire un peu plus tard. Pourquoi? Pour que le temps il soit un peu plus frais. Donc le prophète alayhi salam a dit, rafraîchissez par la prière, c'est-à-dire rafraîchissez en faisant la prière un peu plus tard. Reculez la prière de son temps un petit peu, dans son temps reculez-la, car la chaleur est un souffle de l'enfer. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur en disant, mon Seigneur, une partie de moi en a consommé l'autre. Il lui accorda alors deux souffles, un en hiver et un autre en été. C'est la chaleur la plus forte et le froid le plus intense que vous sentez. La chaleur la plus forte qu'on sent et le froid le plus fort qu'on sent sont deux souffles de l'enfer. Parce que l'enfer a souffert en lui-même. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder ces deux souffles. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. وَنَحْنُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. On demande à Allah qu'il nous protège de l'enfer. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. Il dit, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم, la fièvre est un souffle de l'enfer. Rafraîchissez-la par de l'eau. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها الحديث. Lorsqu'Allah a créé le paradis et l'enfer, il y a envoyé Jibril et il lui a dit, il a envoyé Jibril au paradis pour lui dire, vas-y et regarde ce qu'il y a dedans. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de lire, c'est un ensemble de preuves qui nous montrent que l'enfer et le paradis existent. وَقَدْ عُرِضَتَ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَقَامِهِ يَوْمَ كُسِفَتِ الشَّمْسِ وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا لَا يُحْصَى. Également, le prophète صلى الله عليه وسلم a pu voir l'enfer et le paradis dans un jour où il y avait l'éclipse du soleil. Et il a également pu voir le paradis et l'enfer parce qu'il a fait le voyage nocturne. Et tous ces hadiths-là, ils sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. As-su'al al-thani wa al-thalathun ba'd al-mi'a. Question 132. Ma dalilu ala baqa'ihima la tafnayani abada. Quelle est la preuve que l'enfer et le paradis sont éternels et qu'ils subsisteront sans jamais disparaître. Car l'enfer et le paradis ne disparaîtront jamais. Il y a beaucoup de preuves de ça, sur ça dans le Coran. Al-Jawab, قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du paradis, ils y demeureront éternellement, voilà l'énorme succès. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. Et Allah a dit, et on ne les en fera pas sortir. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. Allah عز وجل a dit, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. وقال تعالى, et Allah a dit aussi, لا مقطوعة ولا ممنوعة. Il n'y a pas la traduction du verset ici, mais dans le sens du verset, c'est que il n'est jamais interrompu. Les délices qu'il y a au paradis ne seront jamais interrompus. وقال تعالى, إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفد ولا يذهب ولا يضمحل وإنما يبقى. Allah a dit, ce sera notre attribution inépuisable. Le paradis est inépuisable et tout ce qu'il y a dedans est inépuisable. وقال تعالى, إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les pieux seront dans une demeure sûre et à la fin ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première. وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجه منها. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ainsi informé que l'enfer est, que le paradis est éternel. وكذلك النار, et aussi l'enfer. قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها. Allah, lorsqu'il a parlé des mécréants dans surat An-Nisa, il a dit, ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Et il ne les guidera pas dans une voie sauf la voie de l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah a maudit les mécréants et leur a préparé l'enfer, le feu ardent. Ils y resteront éternellement et n'y trouveront ni secoureur ni allié. وقال تعالى, vous avez vu que dans cette réponse, on est en train de lire beaucoup de versets. Et ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Mais nous, on doit savoir que chaque verset qu'on entend, ou chaque hadith qu'on entend, c'est, tu peux le comparer à une goutte de pluie en plus qui tombe. Plus l'eau elle tombe, plus la terre elle va revivre. هذه الآيات التي نسمعها هي بمثابة قطرات المطر التي تنزل إلى الأرض الجافة فهي تنزل إلى قلوبنا حتى تحيا. Ces versets, ils descendent dans nos cœurs pour les faire revivre. C'est comme une goutte de pluie en plus. C'est une vie en plus pour ton cœur. C'est pour ça qu'on doit avoir de la patience dans l'apprentissage de la science et dans l'apprentissage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Allah a dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de Jahannam, de la géhenne, pour y demeurer éternellement. يعني من يعص الله عز وجل يدخل في النار خالدا فيها أبدا. Est-ce que tous ceux qui désobéissent à Allah entreront en enfer et y resteront éternellement? Là. Allah Azza wa Jalla قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Allah a dit, celui qui désobéit à Allah et à son messager aura le feu de la géhenne où il restera éternellement. C'est-à-dire rapport avec ça, mais c'est pas exactement comme ça. Parce que même le musulman qui va aller en enfer, ben, ça va être avec l'ombre, ça peut être une éternité, mais ça ne sortira pas. Là, ici, khalidina fiha abada. Ici, les mots là, ils sont bien précis, ils ne sortiront pas. Hein? جزاك الله خيرا المعصية هنا معصية الكفر أو الشرك وكل ما يقع به الإنسان في الكفر أو الشرك هي هذه المعصية la désobéissance de laquelle Allah parle dans ce verset c'est celle qui amène à la mécréance ça veut dire que الكذب لا يدخل في هذه الآية السرقة لا تدخل في هذه الآية لكن عبادة القبور تدخل في هذه الآية دعاء Les actes de désobéissance qui sont de la mécréance entrent dans ce verset-là. Ceux qui entreront en enfer éternellement. وقال الله وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. Allah يحفظنا من النار. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, ils ne sortiront pas de l'enfer. كيف هذا؟ أليس بعض المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها ويكون مآلهم إلى الجنة؟ دقيقة ترجم. Allah n'a-t-il pas, nous a-t-il pas informé que certains musulmans vont entrer en enfer pour payer leurs péchés, après ils vont sortir pour entrer au paradis. Et ici Allah a dit ne sortiront pas de l'enfer. Ils sortiront après ce qu'ils ont reçu comme ça. C'est pas ça. C'est une salade. Hein? Mais c'est proche ce qu'il a dit à Imam Ahmed Ali, mais c'est pas ça. Hein, Sofia? Ça concerne que les non-musulmans. Voilà, ouais. Tout simplement. Ça concerne que les musulmans ici. Mais les musulmans qui entreront en enfer, eux, ils en sortiront. Taïe? Et si on disait que ce verset concerne les musulmans, alors on aurait dit ce qu'il a dit, Mohamed Ali, Ami Mohamed Ali. On aurait dit ce qu'il a dit. On aurait dit que si ce verset concerne les musulmans, ils ne sortiront pas de l'enfer, c'est-à-dire, ils ne sortiront pas de l'enfer tant qu'ils n'ont pas payé leur faute. Mais après, ils sortiront. Mais ce verset ici, il parle des gens qui resteront. فَقَالَ تَعَالَى هَذَا فِي عَذَابِ النَّارِ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ أي لا يخفف عنهم وهم فيه أيسون قانطون من رحمة الله. Allah a dit dans ce verset, dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Donc on voit qu'il ne sera jamais interrompu, ils désespéreront d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الكلمة مبلسون إبلاس هذه الكلمة إبلاس ça vient de الياس من رحمة الله le désespoir de la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى ومن ذلك سجن في جهنم يسمى بولس et il y a une prison en enfer qui s'appelle بولس ومن ذلك إبليس et aussi de sort de la même chose إبليس parce qu'il a désespéré totalement de la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى عليكم السلام وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله هدي je vais lire le verset pas dire des bêtises on ne les achèvera pas de sorte qu'ils meurent et on ne leur allégera rien de ces tourments donc Allah ne va pas achever les gens de l'enfer ils ne vont donc pas mourir et en même temps les châtiments ne seront pas diminués. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Il ne va ni mourir et ni vivre en enfer. المجرم هنا الكافر. Et le criminel dont on parle ici, c'est le mécréant. Taïb. كيف قال لا يموت فيها ولا يحيا. كيف لا يحيون. Comment ici Allah dit qu'ils ne vont pas mourir et ils ne vont pas vivre. Ni mourir ni vivre. Le père ou le fils. Le fils, c'est Allah. Ils vont pas mourir parce que déjà, il a dit qu'ils vont jamais mourir. Et ils vont pas vivre parce que de vivre dans l'enfer, c'est pas une vie. Ah bah, le père, il a dit c'est ça. Donc on est d'accord avec le père. Inch'Allah. Tel père, tel fils. Allah va barik. Allah an yaj'alakuma min as-salihin. Donc la réponse c'est que ils ne vont pas être achevés, donc ils ne vont pas mourir, et ils ne vont pas vivre dans le sens où ils ne vont pas vivre une vie paisible, une vie agréable, une vie où on profite. Ils ne vont vivre que de la souffrance. Donc ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Wa ghayru dhalika min al-ayat. Fa akhbarana Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat wa amthaliha anna ahla an-nar alladhina hum ahluha khuliqat lahum wa khuliqu laha annahum khalidun fiha abada. فنفى تعالى خروجه منها بقوله وما هم بخارجين منها ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم ونفى فناءهم عليكم السلام ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. Ensuite il nous dit qu'il y a bien d'autres versets encore dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'information que les gens de l'enfer et du paradis ont chacun a été créé pour sa destination. Les gens de l'enfer ont été créés pour l'enfer. Les gens du paradis ont été créés pour le paradis. Le paradis a été créé pour ses habitants. L'enfer a été créé pour ses habitants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils y demeureront éternellement et il a nié le fait qu'ils puissent en sortir. Allah a dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِنَ مِنْهَا » Ils n'en sortiront pas de l'enfer. Et il a également nié le fait que leur châtiment s'arrêtera et sera interrompu. Il a dit la yufattaru anhum, il ne sera pas interrompu. Et il a également nié le fait qu'ils seront réduits ou qu'ils seront anéantis. Ils ne seront pas anéantis. Allah a dit la yamutu fiha wa la yahya. Ils n'y mourront pas et ils ne seront pas là, ils ne vivront pas. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amma ahlu an-nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également quant aux gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants, ils y resteront et ils ne vont ni mourir ni vivre. Walayadu billah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha sara ahlul jannati ila al-janna wa ahlul nari ila al-nar ji'a bil mawti hatta yuj'ala bayna al-jannati wa al-nar ثم يذبح حتى ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزن حزنا إلى حزنهم وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté également chez le Bukhari ou Muslim, il dit dans ce hadith, lorsque les gens du paradis iront au paradis et ceux de l'enfer en enfer, la mort sera amenée jusqu'à ce qu'elle soit entre le paradis et l'enfer, puis elle sera égorgée. Un appeleur appellera donc et dira « Ô gens du paradis, il n'y a plus de mort. Aux gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Ainsi, les gens du paradis connaîtront plus de joie qu'ils n'en avaient déjà et les gens de l'enfer connaîtront plus de tristesse qu'ils n'en avaient déjà. » Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun parmi les habitants du paradis ou de l'enfer restera dans sa demeure éternellement. » Puis il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle Allah a dit et fais-leur l'avertissement dans lequel Allah azza wa jalla a dit et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Donc ici on vient de voir les preuves claires du Coran et de la Sunna que l'enfer et le paradis sont éternels et qu'ils ne seront jamais, ils ne disparaîtront jamais. وَهِيَ فِي الصَّحِيحِ وَفِي ذَلِكَ حَدِيثِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا. Tous ces hadiths sont authentiques, soit par le Bukhari ou Muslim, ou par même les deux. Et il y a bien plus de hadiths encore dans ce sujet. Et on va s'arrêter là, inshallah. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Non. Ça sera fait, là, le frère a posé la question par rapport à l'qisas, الذي يكون يوم القيامة رد الحقوق إلى أهلها. On a vu que les gens qui reprendront leurs droits, le talion, il y a deux. قصاص يكون قبل الفصل بين الناس وقصاص يكون في بعد الفصل بين الناس في قنطرة بين قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. Il y a deux talions. Celui dans lequel les gens récupéreront leurs droits, qui arrivera avant le jugement entre les gens. Celui-là, il arrivera dans Ard al-Sham. Il arrivera dans la terre du Sham. وهي أرض الحساب. هذا يكون يوم القيامة في هذه الأرض. لأن حشر الناس يكون يوم القيامة في أرض الشام. Donc on a dit que les gens seront rassemblés dans la terre du Sham pour être jugés. Et c'est là-bas que l'heure arrivera. C'est là-bas que Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe. Et les gens seront tous fisham. Et c'est dans cette terre-là, quand les gens vont être jugés, qu'il y aura le premier qisas. Nabi alayhi salam قال La tu'addun al-huquq ila ahliha hatta la yuqat min al-shat al-jalha min al-shat al-qarna. Vous allez rendre les droits à tous leurs ayants droit. Même le mouton qui a des cornes va rendre le droit au mouton qui n'avait pas de cornes. Ça va arriver fi ard al-sham. Chacun va arriver et Allah va rendre les droits à tout le monde. Al-qisas thani huwa alladhi yakunu bayna al-mu'minin qabla an yadkhulu al-jannah yuhbasun ala qantara wa yuqassu li ba'dihim li ba'd aw li ba'dihim. Et le deuxième qisas, il aura lieu sur le pont qui sera placé entre le paradis et l'enfer juste avant qu'ils entrent au paradis pour les croyants. Ça va vrai? C'est bon? Qu'est-ce qui a la réponse? Qu'est-ce qui a la réponse? Naam. Il a vu le futur. Ah là, ouais. Nabi alayhi, quand il a vu les gens en enfer et les gens au paradis, c'est-à-dire il a vu ce qu'il va se passer. Ça ne veut pas dire que maintenant ils y sont. Il a vu ce qu'Allah va faire. Et en Malqiyam. Ouais, c'est bon. En fait, c'est par rapport au deuxième. Talion, le deuxième. C'est juste entre croyants, c'est-à-dire c'est les croyants qui ont fait de la justice entre eux. Exactement. Ah, ils ne vont pas le réparer dans le premier. Là. Et ben, c'est ça qu'on vient de dire. Le deuxième talion, c'est celui qui aura lieu que entre les croyants avant qu'ils entrent au paradis. Dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala va déterminer les droits de tout le monde. يَسْتَخْلِصُ حُقُوقَ النَّاسِ فِي مَا بَيْنَهُمْ هَذَا لِلْمُؤْمِنِينَ. Il va déterminer les droits de tout le monde. ثُمَّ يَرُدُّهَا لِأَهْلِهَا فِي الْقِصَاصِ الثَّانِي عَلَى الْقَنْطَرَةِ. Donc dans le premier, Allah il va déterminer les droits à chacun. Et dans le deuxième, il va les rendre aux croyants. C'est clair là ou pas? Non, c'est pas clair. Donc je vais te répéter. Hein? C'est après Sirat. Ouais, le deuxième qisas, c'est Yakunu Ba'da Sirat. Deuxième Sirat. Ça veut dire que les croyants entre eux, ils ne vont pas se prendre à Salat s'ils ont fait la justice? Quoi? Bon, par exemple, s'ils sont fait de la justice entre eux, ils vont pas se prendre, là, tu vas pas prendre la salade de l'autre croyant. Si chacun, le prophète, alayhi salam, il a parlé du mouflis de sa communauté. Il a dit, celui qui a fait faillite de sa communauté, donc il a dit qu'il est de sa communauté, c'est un musulman, il va venir avec salat, saum, hajj, et pourtant, les autres croyants, ils vont lui prendre ses hasanat. Après, il va rentrer, finnar. Après, il va en sortir s'il a pas fait de shirk. Il y aura deux qisas, il y aura deux talions. Dans le premier, les gens, ils vont récupérer leurs droits. Et il y a un deuxième, où aussi ils vont récupérer leurs droits, plus particulier pour les croyants. Après, quel droit va être récupéré dans le premier, quel droit va être récupéré dans le deuxième? Allahu a'lam. Ah, d'accord. Voilà.